3 mars 1915. Voilà la longue lettre promise hier. J'espère que rien ne viendra me déranger et que je pourrai te conter un peu mon existence ici. Comme je te l'ai dit, nous occupons un bois dans le genre de la forêt de Saint-Martin, dans un taillis le plus épais. L'on ne peut voir à plus de 5 ou 6 mètres. Toutes les têtes des grands arbres sont coupées par les obus, les troncs sont déchiquetés, mais le passage des balles a coupé le taillis et fait comme des allées, 2 lignes de tranchées renforcées et parallèles. Les Boches occupent la crête. Nous occupons la seconde ligne à une distance qui varie de 200 mètres à 10 mètres, suivant le secteur et la nature du terrain. Dans le secteur que ma compagnie occupe, les tranchées les plus éloignées sont à 100 mètres, les plus proches à 12 mètres environ, et nos sentinelles les plus rapprochées sont à 6 mètres au plus de celles de l'ennemi. Si près les unes des autres, tu pourrais croire que l'on se voit. Eh bien non. Non, c'est tout le contraire. Nous ne nous voyons pas. Nous vivons derrière nos tranchées et dans des boyaux d'acheminement dont nous ne sortons jamais la tête. Les sentinelles veillent derrière des pare-balles ou derrière des boucliers dans lesquels une fente de 10 mm de largeur leur permet de voir sans risquer d'être atteints par les balles. Nous vivons donc accroupis derrière nos buttes de terre, nos sacs de sable et pieds dans l'eau. Néanmoins, sans nous voir, nous finissons par nous connaître. Il ne peut en être autrement. Dans notre secteur, il y a une tranchée que nous occupons les uns et les autres. Derrière un pare-éclat, il y a la sentinelle allemande, derrière le pare-éclat suivant, la sentinelle française. Il arrive donc que celles-ci finissent par se connaître, et les dialogues suivants ont lieu. « Bonjour, Franzus !» En ne répondant pas, « Oh, malhonnête !»« Franzus, camarade, la paix !» À toutes leurs demandes, nous ne répondons jamais, car nous les connaissons trop. Nous avons aussi quelquefois en face de nous un régiment de Polonais fortement encadré de soldats prussiens. Nous finissons par en connaître certains. Il y en a un, entre autres, qui, chaque fois qu'il est en sentinelle, se met à tousser. Le père Toussard, comme nous l'appelons. Il est pacifique. Et en général, avec les Polonais, nous sommes tranquilles. Il leur arrive de nous dire « Franzus, cachez-vous, sous-officier prussien, viens, va faire tirer ». Nous sommes si près les uns des autres que nous les entendons très bien causer entre eux, à voix basse, appeler un chien, ou faire les bruits les plus incorrects, mais les plus naturels. Malgré tout, je déplore quant à moi ces petites tendances à entrer en rapport l'un avec l'autre. Je ne veux sous aucun prétexte que mes hommes leur répondent, car je me méfie toujours que ces maudits Boches ne cherchent à endormir la vigilance de nos hommes pour leur tomber plus sûrement sur le dos. Dernièrement, dans un secteur voisin, les sentinelles Boches ont jeté des cigarettes aux sentinelles françaises, et celles-ci leur ont lancé une tablette de chocolat. À côté de cela, elles tiraillent toute la journée, l'une sur l'autre. Malheur à celles qui montrent la tête. Elles se lancent des bombes, des grenades, des cartouches de dynamite, de la boue, et même autre chose. C'est une existence bien bizarre, je t'assure. Et il faut toujours être en éveil, l'oreille attentive au moindre bruit. Car ces gens-là sont parfaitement inhumains, ne nous laissant enlever ni nos morts, ni nos blessés. Depuis le jour de mon arrivée, c'est-à-dire depuis le 11 et depuis le 19 février, nous avions entre nous plusieurs cadavres, tant des leurs que des nôtres. Il nous avait été impossible de les enlever car ils tiraient sur les brancardiers et nous en avaient tué 2. Nous sommes donc obligés de laisser là nos malheureux camarades dont les moins grièvement blessés peuvent rejoindre nos tranchées. Avant-hier, néanmoins, nos sentinelles me firent prévenir que derrière le pare-éclat des sentinelles Boches, un officier allemand demandait à causer à un officier français. Je fis chercher le lieutenant, commandant la compagnie, et nous nous rendîmes derrière notre pare-éclat. Officier allemand, lieutenant demande à officier français s'il désire faire enterrer ses morts. Oui. Donne parole d'honneur, pas faire tirer. Oui. Nous nous levâmes de part et d'autre, nous fîmes sortir 2 hommes sans armes et sans équipement, et de chaque côté nous nous livrâmes à la funèbre besogne. L'officier allemand planta devant lui le drapeau de la croix de Genève. Puis, celle-ci terminée, on tira un coup de fusil de part et d'autre. La trêve était finie, la guerre recommence. Ce procédé nous a malgré tout fort étonnés de leur part. Nous ne sommes pas habitués à tant d'humanité, puissent ces bons procédés continuer. Hier, relevé à 5 heures, notre compagnie devait se rendre à 8 heures à une revue pour une remise de décoration. Après ces 4 jours, nous étions dans un état de saleté peu banal, littéralement couverts de boue et les vêtements trempés. Il nous était impossible de les nettoyer. Nous allâmes à la revue dans cet état. Les autres délégations du régiment et les chasseurs étaient frais et propres. Nous faisions tâche et tous les yeux étaient fixés sur nous. Lorsque le général de division passa devant nous, il salua la compagnie, puis lorsque nous défilâmes devant lui, il se découvrit tout le temps que la compagnie passa. Ce geste pourtant très simple n'était pas sans grandeur et un frisson nous secoua le corps. Après la revue, le commandant Drian des chasseurs, qui occupe un bois voisin à notre gauche, vint serrer la main du commandant de la compagnie. Lui dit qu'il connaissait notre situation et lui demanda la permission de photographier la première section. « Je vais faire mon possible pour avoir cette photo. Elle en vaut certainement la peine. Comme tu le vois, je me fais à ma nouvelle existence. Il faut en prendre son parti. Du reste, puisque le bon Dieu a permis que je sois ici, c'est que cela doit être, et c'est à lui seul que je me confie. Je suis en parfaite santé, et quoique le moral passe du beau au variable, et quelquefois à l'orage et à la tempête, la moyenne reste excellente. Il le faut. À quoi servirait de nous démoraliser ? Embrasse bien tendrement mes bons petits. Quel jour béni que celui où je pourrais les serrer dans mes bras, ainsi que toi, ma pauvre grande. » Mars 1915. Encore une période de 4 jours d'avant-poste, passée sans anicroche trop grave, mais je t'avoue que c'est un soulagement d'en partir. Tant que l'on est là, on vit dans une étreinte continuelle. On ne vit pas, on ne respire pas, les repas sont de trop, le sommeil est de trop. Si tu savais dans quelle tristesse l'on vit, et combien il est dur de voir partir ces hommes un à un. Enfin, il faut s'abstenir ici de toute sentimentalité, et c'est quelquefois bien dur. Tu me disais dans une de tes lettres que tu avais horreur du parti militaire, attendu que l'on y considérait l'homme que comme une machine. Ma pauvre Suzanne, de parti militaire en France, malheureusement, il n'y en avait pas. Quant à la vie des hommes, ne nous plaignons pas. Les généraux allemands en font bien moins de cas que les nôtres. Mais il faut bien se rendre compte, malgré tout, que la vie d'un homme actuellement compte peu. Il faut atteindre le but. L'intérêt de la France est en jeu. Son indépendance, sa vie, la civilisation elle-même. Comment veux-tu que la vie d'un homme compte quand tant de vies, tant de générations en dépendent ? Tu me parlais aussi du dépôt du régiment qui est à Aubusson. Moi aussi, lorsque je l'ai su, ce lieu m'a souri. Mais comment veux-tu qu'à un pareil moment, il puisse être question de nous reporter en arrière ? Ce serait un miracle, et je ne puis y croire. Les 2 derniers jours que j'ai passés aux tranchées ont été excessivement durs. Nous étions absolument ahuris, abrutis. Rien que sur mon abri de commandant, j'ai reçu plus de 30 bombes chargées d'un kilo de mélinite, sans autre résultat que de faire sauter la terre, les clés, les sacs, les fusils, etc. Ceci sans compter les obus. Mais il est vrai que nos 155 ne les ont pas ménagés. Et à 40 mètres de nos tranchées, c'est incroyable comme précision, on fait sauter leurs tranchées, leurs abris. J'étais chargé de rectifier le tir de l'artillerie. J'aurais voulu que tu vois sauter les planches, les pelles, les pioches, etc. C'était effrayant. Mais quel plaisir de les entendre crier et d'étaler. Nous avons ici une situation extrêmement bizarre. Lorsque les officiers des autres régiments se plaignent à la brigade et à la division, on leur répond « Très simple, on va vous envoyer au bois des... Vous verrez si vous y êtes mieux. » C'est pourquoi il me semble impossible qu'on nous déplace. Mais par contre, je doute que nous bougions beaucoup d'ici. Enfin, remettons-nous-en à Dieu et advienne que pourra. Avril 1915. Parti hier à 17h de V, nous sommes arrivés ici à M à 23h30, après une marche fort pénible. Aujourd'hui, il fait un temps épouvantable. Nous avons repos. Aucune opération n'est possible dans la Veuvre. J'ai retrouvé ici d'anciennes connaissances. Les habitants que j'ai connus il y a 4 mois m'ont fait accueil. Le 15e est dans le village voisin. Je voulais aller voir les amis ce matin, mais l'ordre est formel. Interdiction de sortir du cantonnement. Sois raisonnable. Ne t'inquiète pas. Les Allemands vont, je crois, tenter un dernier effort contre V. Mais prévenu par une femme, maîtresse d'un capitaine d'état-major allemand, le gouverneur a pris toutes les mesures nécessaires et je crois qu'elles vont être bien reçues. C'est effrayant ce qu'il y a d'artillerie. Quel joli tintamarre il y aura! Lors de la dernière attaque sur les éparges, la majorité des prisonniers que nous avons faits étaient fous, et pour les emmener, nous avons dû les ligoter sur des chariots. Pour maintenir leurs hommes dans les tranchées, les officiers n'hésitent pas à les faire enchaîner tels des forçats. Nous avons pris des mitrailleuses scellées dans des tranchées bétonnées, et les hommes étaient enchaînés par le pied. Ceux qui ne sont pas tués sont fous. Ceci n'indique pas que le moral soit bien fameux chez nos ennemis, et fait espérer que nous en arriverons bientôt à bout. Nous ne pensions pas aller si près. Les imaginations marchaient bon train, et c'est tout juste si nous ne nous réjouissions pas de partir pour Constantinople. Je t'enverrai de l'argent demain ou après-demain. Mes économies pour le voyage à Paris et à Lourdes. J'ai été bien heureux hier de pouvoir envoyer les œufs de Pâques et des enfants. C'est une petite gamelle et un obus de 75 rempli de dragées et de cailloux de la Meuse. Pauvre petiot, comme je suis heureux de pouvoir leur faire plaisir. Comme je te l'ai dit hier, il y en a pour les enfants de Paulette. Tu leur donneras de ma part. J'espère que tu ne m'en veux plus au sujet du voyage. Tu vois que je juge juste et que je sentais ce voyage impossible. Quelle triste fête de Pâques. L'an dernier, nous étions à Vaumoise. « 7 avril 1915. Je voulais répondre longuement à ta lettre du 2, mais je ne le puis aujourd'hui. Il fait un temps épouvantable. Nous avons tout contre nous, même les éléments. L'offensive a commencé d'une façon merveilleuse. Et si le soleil nous avait aidés, la pointe de Saint-Mihiel n'existerait plus. Mais nous enfonçons dans la boue jusqu'aux genoux. Et si l'on ne bouge pas, l'on s'enlise. Nous sommes trempés, transpercés, nos pièces s'enlisent jusqu'aux essieux. C'est épouvantable. Malgré tout, le résultat est très satisfaisant. Les barbares lâchent pied. Ils sont fous alliés. Par ici, nous progressons partout. Mais j'ai crainte que, vu le temps, l'offensive soit arrêtée. Et cela leur permettrait de faire de nouvelles lignes de défense qu'il faudrait reprendre. Et à quel prix? Pour moi, tout va bien. Je me porte à merveille, mais je t'écris dans une situation peu banale. En caleçon, sans chaussettes, roulé dans des couvertures, dans un abri de combat à quelques centaines de mètres des Boches. J'ai pris les avant-postes hier soir, pluie diluvienne et bourrasque toute la nuit, 20 cm d'eau dans la tranchée à minuit, moment où les deux parois s'effondrent sur nous. Oh, cette terre de Veuvre! La glaise emprunte de suite nos formes, fait mastic. Et il nous est bien dur d'en sortir au petit jour à 4h30, trempés jusqu'à mi-cuisse. J'ai une chape en peau de bique pour me préserver le haut du corps, telle une boule de terre à modeler. J'ai été demander au lieutenant l'autorisation d'aller me changer de chaussettes et me sécher. Je profite donc de ce petit moment pour t'écrire. Ne me plains pas. J'ai pu me changer et les hommes ne peuvent le faire. Que de souffrance! Et celles-ci ne sont rien à côté de celles qu'endurent les blessés et les agonisants qui attendent par ce froid et cette pluie qu'on les secourt. Pour la nourriture, nous mangeons quand les approvisionnements peuvent suivre. Et ceci arrive dans quel état au prix de sacrifices immenses, de peines, de souffrances sans nombre. Cette guerre atroce aura régénéré la France, car je ne crois pas que l'on se plaigne en raison des fatigues et des privations supportées. Cette nuit, je n'ai pas entendu une plainte. Chacun comprend qu'il doit être là. Et puis, on a hâte d'en finir. Je te quitte, car je vais dormir un peu. Ne te tourmente pas, ma bonne et chère grande, et prions le bon maître qu'il nous réunisse bientôt. Depuis lundi, la canonnade continue dans les mêmes conditions, et les Boches ne répondent que médiocrement. Comment cela se fait-il? La fin approcherait-elle? Espérons-le. 21 avril 1915. Depuis hier minuit, nous occupons un petit village que j'ai vu il y a 3 mois et où je suis passée il y a 15 jours. Tout alors y respirait l'aisance et la tranquillité. Aujourd'hui, tout est à l'abandon. Les habitants ont été forcés d'évacuer à cause du bombardement. Le clocher est démoli. Les toits des maisons éventrés, les tombes du petit cimetière qui entoure la maison de Dieu, ouvertes par les obus. La guerre est passée là. Ici, nous sommes les maîtres. Hélas, toutes les maisons sont occupées par nous. Il le faut bien, vu le nombre des soldats. Une chambre m'a été réservée pour moi et un camarade. Un lit, quelle aubaine! Mais les draps sont sales, les armoires sont ouvertes. Nous y prenons 2 draps propres et y remettons les sales. Nous y trouvons 2 brassards de première communion, un voile de mariée, 2 photographies d'enfants. Que vont devenir ces pauvres souvenirs sans valeur auxquels notre cœur s'attache tant? J'en ai fait un paquet et les ai cachés aussi haut et aussi bien que possible. Mais y resteront-ils? Et à défaut des hommes, le feu ne viendra-t-il pas les consumer, les anéantir? Ah, de tous ces pauvres villages, qu'en restera-t-il? Au pied de mon lit, un petit berceau d'osier, un Moïse non garni, éveille en moi de bien doux souvenirs. Comme c'est dur, la guerre. Chaque fois que j'ouvre la porte d'un de ces logis, mon cœur se serre. Chaque fois que j'ouvre une armoire, mon cœur se révolte. Et pourtant, partout où je passe, je remets tout en ordre, autant que possible, cherchant les 1000 riens auxquels les pauvres évacués doivent tant tenir. Devant ma fenêtre, j'ai la pauvre église et le pauvre cimetière en ruine. Le clocher que nous avons dû décapiter, car il servait de repère aux barbares pour nous bombarder. Pauvre village voué au pillage et au feu. Mon ordonnance est un brave garçon, si dévoué. Il se met en 4 pour moi, heureux des petites douceurs que je lui donne, me soignant autant qu'il est possible, tous les soirs me bordant avec mon couvre-pied. Au fond, c'est un excellent garçon. Et tu devrais faire envoyer par Madeleine et Jean quelques bonbons à ses enfants. À la boussole que je t'envoie, j'ai joint un petit bouquet de violettes. Quand te parviendra-t-il? Et une bague de guerre faite par l'infirmier de la compagnie, avec une fusée en aluminium d'obus Bosch. Extrait de la lettre du 25 avril 1915. J'ai encore été forcée de te mettre une carte ce matin, car je n'ai pas eu le temps de t'écrire. Nous sommes partis hier soir à 18h40 et occupons un bois où nous sommes en réserve d'avant-poste. La canonnade a duré jusqu'au petit jour, mais nous y sommes tellement faits que cela ne nous a pas empêchés de dormir. C'est insensé comme notre pauvre carcasse s'habitue à tout. J'ai fini par dormir n'importe où et n'importe comment. Rien ne me semble dur. Je dors comme une bête au fond de n'importe quelle borne, au pied de l'arbre, au fond du fossé. J'ai reçu hier ta lettre du 18 et ta carte du 21. Tu me reproches encore d'être triste. Je ne le suis pourtant pas. Mes camarades sont étonnés de mon caractère toujours égal, ne passant jamais de l'exubérance au découragement comme tant d'autres. Quant à être très gai, cela ne m'est pas possible, et tout ce que je vois me force fatalement à réfléchir. C'est pourquoi ma plume traduit quelquefois le fond d'une pensée. Oui, le temps est long, bien long, mais patientons. Nous attendons que certains événements se produisent pour reprendre l'offensive. Celle-ci sera possible quand nous le voudrons, mais que de sacrifices! C'est absolument effrayant, et vous ne pouvez vous en faire une idée. Ces longs mois d'hiver ont rendu toute opération impossible, mais ont permis de fortifier les positions. Ayons donc encore et toujours de la patience. Nous y laissons de l'argent, beaucoup d'argent. Cette guerre nous ruinera, mais nous épargnerons la vie des nôtres, et cela vaut bien quelque chose. Qu'importe 3 ou 4 mois de guerre de plus, si nous sauvons l'existence de centaines de milliers d'hommes. Avril 1915. Oui, nous sommes revenus sur nos anciennes positions des premiers jours d'avril. L'on y est bien, suivant les jours. Hier, il n'y faisait guère bon, je t'assure. sur un front de tranchée de 800 mètres, tout au plus, nous avons reçu en une heure environ 230 marmites, c'est-à-dire 230 obus de 150. Ceci ne te dit rien, mais il n'en sera pas de même pour Georges. En général, pourtant, l'on y est mieux que nous ne l'avons été le dimanche, les lundis, mardis et mercredis de Pâques. Le soleil brille et nous sommes presque heureux de vivre, quand toutefois les boches n'arrosent pas trop. Enfin, changement dans les éléments de la pluie, après l'eau, l'acier, la fonte et le plomb. Variante. Tu me dis, nous sommes ennuyés et si seulement nous pouvions en prévoir la fin. Hélas, celle-ci ne peut être prévue. Toutes les hypothèses sont possibles. Quant à nous, nous ne prévoyons rien. La guerre peut durer encore un an et je ne vois pas une échéance plus proche si nous voulons les tenir, les anéantir, ces barbares. Sur ce point, il nous est impossible d'hésiter. Nous avons fait des sacrifices énormes pour la sécurité des nôtres, de nos enfants. Nous devons l'obtenir, coûte que coûte. Donc, à moins de circonstances tout à fait imprévues, d'entrer en lice de puissance neutre, mais pour cela, il nous faut une grande victoire, et à quel prix l'aurons-nous ? Nous n'arriverons à bout de ces boches que par l'usure. Il faut que notre ténacité soit mieux trempée que la leur. Et sur ce point, j'espère que les sacrifices consentis jusqu'à ce jour nous donneront une volonté assez ferme pour ne pas accepter une paix boiteuse. Les Anglais sont là, heureusement. Il nous faut vaincre. Et si nous n'avons pas la force, le nombre, par la patience. D'après ce que tu me dis, toutes les ambulances font des agrandissements. Ceci ne m'étonne pas. Vous ne saurez jamais ce qui est une bataille moderne. L'attaque d'une malheureuse côte quelconque, côte 60, côte 218. Si vous saviez tout ce que le prix d'une position si petite soit-elle, demande d'héroïsme, de sacrifice. Non, jamais ceux qui n'ont pas vu ne pourront se figurer ce que vaut une malheureuse colline défendue par des fusils, des mitrailleuses, des réseaux de fils de fer, des pieux épointés et des barrages d'artillerie. Ayons donc du courage, de la patience, de la ténacité. Le temps combat pour nous. Attendons donc, si cruelle et si ruineuse que soit cette guerre, mais épargnons la vie de nos enfants et l'avenir de la France. Que ceux qui sont à l'arrière crient « En avant, que fait-on ? » Je comprends, mais qu'ils y viennent, ces stratégistes en chambre. Prions, prions donc. Jamais je ne saurais trop le répéter. Malgré toute notre vaillance, tout notre courage, ces boches savent faire la guerre. Leur méthode, leur esprit de suite et l'hiver ont travaillé pour eux. Notre bonne cause nous assurera la victoire. Mais si nous voulons l'avoir prompte, prions, prions, faisons amende honorable et rachetons nos fautes. Nous ne sentons pas assez que dans cette guerre, il y a autre chose qu'une lutte de race. Enfin, ayons confiance. Le bon maître m'a protégé et donné des forces, une résistance même que je ne me soupçonnais pas. Depuis 9 mois, je mène une vie à laquelle bien des jeunes n'ont pas pu résister et je respire la santé. C'est une cure d'air et de boue, un peu longue, mais telle est la volonté de Dieu. Ne récriminons pas. J'ai pu communier ce matin et toujours avec le même désir et la même joie. Le bon maître ne m'abandonne pas et la promesse que j'ai sentie en sortant du bûcher à Lens se réalise. Mes plus tendres baisers pour toi, ma bonne grande, et pour mes chers petits, qui peut-être ne reconnaîtront plus ce papa dont on leur cause et qu'ils ne voient plus. C'est dur, mais ayons du courage, car nous luttons pour eux. Extrait d'une lettre du 8 mai 1915. Je dis que la guerre peut durer encore longtemps, car la tentative qui vient d'être faite de nos côtés a prouvé qu'il valait mieux laisser le temps travailler pour nous et probablement attendre l'entrée en lice des neutres. C'est du reste la pensée de Joffre, qui sait très bien que de part et d'autre, il n'y a rien à faire pour le moment, et qui estime avec juste raison qu'il faut garder des bras à la France pour qu'elle puisse se relever physiquement et économiquement après la guerre. Le parti franc-maçon, S, a voulu prouver que sa tactique ne tenait pas debout et que l'offensive était possible sans perte trop grande. Dégommer Joffre et le remplacer par S. La tentative a lamentablement échoué. Nous n'avons pas gagné grand-chose. Et l'essai que nous en avons fait depuis un mois dans la W nous a coûté le chiffre respectable de 42 000 hommes, tant tués que blessés. La manchette des journaux a été brève et les communiqués bien courts pour un pareil sacrifice. L'histoire seule enregistrera ce qui s'est passé. La position de J s'en est raffermie. Oui, il faut attendre. Les Alliés achètent actuellement l'Italie, les neutres et peut-être même la Turquie. Depuis 9 mois, nous jonglons assez avec les milliards pour ne pas regarder à quelques milliards près. Armons-nous donc de patience. L'Italie va très certainement se mettre de la partie et les autres suivront. Cela changera la face des choses. Il est certain qu'il est dur pour notre amour-propre de ne pouvoir mettre ces bandits hors de France. Ceci serait fait si, après la bataille de la Marne, nous avions eu des canons et des munitions. Malheureusement, nous n'étions pas prêts, et la gloire de Joffre et de la France sera d'avoir maintenu les hordes barbares à nous seuls, d'avoir subi le plus gros choc et enregistré l'histoire, et d'avoir su se créer, réparer, organiser ce qui ne l'était pas. L'effort anglais est minime à côté du nôtre. Quant aux Boches, ils n'étaient pas plus prêts que nous. Leur grand réservoir d'hommes ne peut être employé. Extrait d'une lettre du 21 mai 1915. Nous avons été relevés ce matin à 4 heures et nous n'en sommes pas fâchés, car nous avons passé 4 journées très dures, très déprimantes et très pénibles par les blessés et les morts que nous avons eus. Hélas! Tout comme toi, j'apporte à mes malheureux camarades les premiers soins et les premières paroles de réconfort et de consolation. Mais c'est quelquefois dur, bien dur. À ces moments, j'élève alors mon âme vers Dieu, heureux de lui offrir tous ses sacrifices, et j'éprouve l'intime satisfaction d'avoir soulagé mon chagrin et la certitude d'avoir été agréable au bon maître. Avant-hier, c'était un malheureux qui avait une fracture du crâne provoquée par un éclat d'obus. Hier, c'était un pauvre diable à la face sanguignolante et qui avait des plaies multiples à la tête et à la gorge produites par l'explosion d'une bombe Boche. Quel dur métier que celui de l'officier actuellement, mais par contre, quel ascendant il peut prendre sur ses hommes. Néanmoins, il est des heures atroces où l'on douterait presque de soi. Il faut alors réfréner la bête humaine. Tu trembles, carcasse, pauvre carcasse. Je comprends tout ce que tu dois ressentir en voyant nos pauvres blessés. Il en est dont les plaies sont si affreuses. Mais il est bon de se dominer, et cela apprend à nous mieux connaître. Je pense à toi, à mes bons petits, à vous tous. Oui, quelle épreuve, quelle séparation, comme c'est long. Extrait de la lettre du 9 juin 1915. Rien de nouveau. Tout va bien, quoique un peu fatigué par la chaleur. Nous avons un temps superbe, mais quelle chaleur torride. Cette température indispose. Pour ma part, ces premières chaleurs me fatiguent beaucoup, comme toujours. Et puis le supplice de l'eau va commencer. Nous sommes forcés d'exercer une grande surveillance, car les hommes boiraient n'importe quelle eau. Je ne sais si je t'ai raconté ce qui dernièrement nous est arrivé. Les hommes faisaient depuis quelques jours un café exécrable. Je m'inquiète de savoir d'où provenait l'eau. J'enquête et j'apprends que l'homme la prenait dans un trou d'obus, où l'eau était claire, il est vrai, car il y avait comme une petite source. Je goûte cette eau, aucune erreur possible. Le café n'y est pour rien, c'est l'eau. Elle a un goût épouvantable. D'où cela provient-il? Je fouine à droite et à gauche, et que vois-je? 2 pieds qui sortent à peine du sol. C'était un cadavre de Boche enterré à fleur de terre. Quand j'y songe, j'en éprouve encore un haut-le-cœur. Extrait extrait de la lettre du 14 juin 1915. Depuis ce matin, je veux t'écrire, mais ici je suis l'écrivain public et fais les lettres des uns et des autres. Je n'ai jamais écrit à autant de femmes de ma vie. Sidonie, Marie, Lucienne, Désirée, Agathe, etc. J'oubliais Madeleine, qui est une de mes abonnées. Je les embrasse les unes après les autres, ainsi que les petits, et je signe « Ton mari qui t'aime beaucoup et pense bien à toi ». Quelle bigame! Néanmoins, j'espère que tu n'en seras pas jalouse. À tous, j'ai le désir de faire plaisir, mais depuis que j'ai mon appareil photo, cela me devient impossible. Mon rôle d'écrivain ne suffit pas. Il faudrait que je devienne photographe, et malgré toute ma bonne volonté, cela n'est pas possible. Et pourtant, combien je serais heureux de faire plaisir à tous. Tu ne peux pas te figurer combien je suis ennuyée lorsque je vois un homme venir à moi et me dire « Mon lieutenant, si vous pouviez me photographier, cela ferait plaisir à ma femme et ce serait un bon souvenir de vous. » À tous, je réponds « Mon pauvre ami, mais je regrette de ne pouvoir vous faire plaisir, mais il me faudrait prendre tous les hommes de la compagnie. Et vu le nombre, ça m'est impossible. Mais je ferai mon possible pour vous prendre dans un groupe. » Ah, combien je pense à toi, ma pauvre grande, à toi, mes petits, à tous. Quand finira donc cette longue séparation? Mais si Dieu le permet, quel bonheur aussi de se revoir. J'évite de m'arrêter à ce sujet, d'en causer, d'y penser, d'écrire. C'est si dur de vivre ainsi. Extrait de la lettre du 27 juin 1915. Tu ne recevras pas de lettre du 26. Je t'avais écrit hier sous l'impression d'une émotion si violente qu'ayant craint que ma lettre ne reflète trop les émotions ressenties, je l'ai déchirée. J'ai passé hier des heures atroces et l'impression qui m'en reste est épouvantable. J'ai eu plusieurs blessés très grièvement atteints et j'ai perdu un malheureux petit sergent que j'aimais beaucoup. J'ai déjà vu de bien tristes scènes, mais pas comme celle d'hier. De plus, il y en a que l'on regrette plus que d'autres. J'ai perdu là trois hommes sur lesquels je pouvais compter, et mon petit sergent pour lequel une sympathie réciproque créait un lien de plus. Mais passons à un autre sujet. L'impression est trop pénible, mais non sans rendre grâce à Dieu et à la très sainte Vierge de leur protection. Tu m'as fait rire par ta visite aux tranchées de la Courneuve. J'ai reçu deux lettres hier de Jacques et de Maurice qui m'en causent. Je leur répondrai à ce sujet et leur proposerai de les embaucher. Voilà la vie. Et les petits s'amusent de ce qui fait le supplice des grands. Tu me dis avoir été à quatre pattes, mais il en est de même dans nos sapes. En tout cas, puisque je crois comprendre qu'ils ont creusé cela dans le jardin, recommande à Paulette et à André de veiller à ce que ce soit bien étayé, que l'un ou l'autre des enfants ne se fasse pas prendre sous un éboulement. Espérons que nous n'aurons pas besoin de la classe 17. Pauvres gosses, s'ils savaient où ils vont. Notre avance est infime et rien ne peut faire prévoir la fin de cette terrible guerre. De plus, les événements traînent en longueur et rien pour remonter le moral. Les Russes reculent toujours et nos parlementaires discourent. Ah, le parlementarisme! Que nous aura-t-il coûté? Actuellement, les chambres devraient être dissoutes et il ne devrait y avoir qu'un comité de salut public avec plein pouvoir. As-tu lu l'interview du pape? Si cela est exact, c'est bien triste et prouve que la papauté est bien germanisée. C'est tellement peu imaginable que j'espère un démenti. En tout cas, le pape devrait bien faire une distinction entre la France officielle et les millions de catholiques qui soutiennent de leur denier le culte et les œuvres. Néanmoins, gardons confiance. Le bon Dieu ne nous abandonnera pas. Je répondrai demain à la fin de ta lettre, faute de place et aussi parce que je n'ai pas grande idée pour écrire. Je t'avouerai même que malgré toute mon affection, il m'a fallu un rude effort car je suis affreusement triste. Quand vous reverrai-je tous ?1er juillet 1915. ma lettre va t'apporter un petit espoir. Vu la fatigue et l'état sanitaire du régiment, le colonel a enfin obtenu que l'on nous mette au repos, compagnie par compagnie. Nous irons donc 8 jours au repos complet dans des péniches aménagées spécialement sur la Meuse. Notre retour est fixé du 14 au 22 juillet. Voici mon intention. Je vais voir le commandant de suite, puis le colonel pour leur demander s'il ne me serait pas possible d'aller chez moi pendant ce repos pour y surveiller la marche de la maison. Ceci n'est qu'un espoir. J'espère que le colonel donnera un avis favorable, mais en sera-t-il de même à la brigade et à la division? Ce sera certainement très dur et je ne m'illusionne pas à ce sujet. Ne nous réjouissons pas trop car nous pourrions avoir une désillusion et j'hésitais à te faire part de ma combinaison. Néanmoins, espérons. Cette joie nous serait bien un peu due depuis si longtemps que nous souffrons et que nous peinons. Prions donc, ma bonne grande, pour que le bon Dieu nous aide. Je t'adresse 6 juin quelques photos prises par un ami. Ma tranchée avant et après l'éclatement d'une mine. Pour moi, j'avais tant de choses à voir et à faire que je n'ai pas songé à la prendre. Et puis, je n'en avais surtout pas le cœur. J'ai reçu 16 paquets de linge que ma tante A m'a envoyé. J'ai fait bien des heureux et je vais lui écrire pour la remercier. Rien de nouveau, je suis en bonne santé, je me remets petit à petit des émotions de l'ancien séjour. Mais il faut y retourner demain et j'appréhende un peu de revoir tous ces emplacements. Allons, je te quitte, avec un petit espoir d'aller vous embrasser tous, comme nous serions heureux. Mais aurons-nous cette joie? Surtout, ne t'impatiente pas, car il va falloir attendre encore de longs jours avant d'être fixé. De juillet 1915. Me voici de nouveau à mon poste. J'y suis revenue avec une certaine appréhension à cause du triste souvenir que la dernière période m'a laissé. Mais il faut tout oublier et laisser toute sentimentalité de côté. Ce matin, j'ai été avec mes hommes déposer une couronne de fleurs et une gerbe faite par nous sur la tombe de mon petit sergent. Hier, j'ai envoyé à ses pauvres parents son couteau et son assiette en aluminium, tout ce qui restait de ce qu'il avait sur lui. J'avais fait graver sur l'assiette par un de mes hommes « C.D. Sergent 362e d'infanterie, 19e compagnie, mort au champ d'honneur, le 26 juin 1915, ainsi qu'une branche d'églantine. Pauvres gens. S'ils savaient dans quel état il était leur pauvre enfant. Je n'ai pas encore vu le commandant au sujet de ce que je t'ai dit hier, mais j'ai bien peur que cela soit très difficile. Enfin, espérons. Le lieutenant Alexandre Louis Jacquot est mort le 4 juillet 1915 à 8h30, broyé par une bombe dans une tranchée à son poste de combat.